Tu as demandé à la nuit de rester un peu encore. Moi j'ai prié le soleil de briller un peu plus fort. Et oui, voilà, je pense comme si tu penses comme ça. Et la vie, un de ces, parfois bien compliquée. Tu penses comme si je pense comme ça. Mais le monde s'en soucie pas et continue à tourner. Tu ne penses qu'aux sorties, aux rencontres, aux voyages, aux découvertes. Je rêve d'être seul avec toi et de traîner sous les couettes. Et oui, voilà, je pense comme si tu penses comme ça. Et la vie à nous deux, c'est parfois bien compliqué. Tu penses comme si je pense comme ça. Mais le monde s'en soucie pas et continue à tourner. C'est dans les jeux de nos corps que s'exprime toute ma tendresse. Et pour toi, les sentiments ne se trouvent pas dans les caresses. Et oui, voilà, je pense comme si tu penses comme ça. Et la vie à nous deux, c'est parfois bien compliqué. Tu penses comme si je pense comme ça. Mais le monde s'en soucie pas et continue.